Le Moine, roman de Matthews Gregory Lewis, lu par Dibzaceus pour audiocité.net, avec la participation de K00. Il y avait à peine 5 minutes que la cloche du couvent sonnait, et déjà la foule se pressait dans l'église des Capucins. N'allez pas croire que cette affluence eut la dévotion pour cause ou la soif de s'instruire. Ce n'était là que de rares exceptions. Dans une ville telle que Madrid, où la superstition règne en despote, on chercherait inutilement la vraie piété. L'auditoire assemblé dans l'église des Capucins y était attiré par des raisons diverses, mais toutes étrangères aux motifs ostensibles. Les femmes venaient pour se montrer, les hommes pour voir les femmes, ceux-ci par curiosité d'entendre un si fameux prédicateur, ceux-là faute de meilleure distraction avant l'heure de la comédie, d'autres encore parce qu'on leur avait assuré qu'il n'était pas possible de trouver des places dans l'église. Enfin, la moitié de Madrid était venue dans l'espoir d'y rencontrer l'autre. Les seules personnes qui eussent réellement envie d'entendre le sermon étaient quelques dévotes surannées et une demi-douzaine de prédicateurs rivaux bien déterminés à le critiquer et à le tourner en ridicule. Quant au reste des assistants, le sermon aurait pu être supprimé sans qu'ils fussent désappointés et même très probablement sans qu'ils s'aperçussent de la suppression. Quoi qu'il en soit, il est certain du moins que jamais l'église des Capucins n'avait reçu une plus nombreuse assemblée. Tous les coins étaient remplis, tous les sièges étaient occupés, même les statues qui décoraient les longues galeries avaient été mises à contribution. Les enfants s'étaient suspendus aux ailes des chérubins. Saint François et Saint Marc portaient chacun un spectateur sur leurs épaules. Et Saint Agathe se trouvait avoir double charge. Aussi, malgré toute leur diligence, nos deux nouvelles venues, en entrant dans l'église, eurent beau regarder alentour, pas une place. Néanmoins, la vieille continua d'avancer. En vain, des exclamations de mécontentement s'élevaient contre elle de tous côtés. En vain, on l'apostrophait avec « Je vous assure, Seigneura, qu'il n'y a plus de place ici. » « Je vous prie, Seigneura, de ne pas me pousser si rudement. »« Seigneura, vous ne pouvez passer par ici. » »« Mon Dieu, comment peut-on être si peu sans gêne ?» La vieille était obstinée et elle allait toujours. À force de persévérance et grâce à deux bras musculeux, elle s'ouvrit un passage au travers de la foule et parvint à se pousser au beau milieu de l'église, à une très petite distance de la chaire. Sa compagne l'avait suivie timidement et en silence, ne faisant que profiter de ses efforts. « Sainte Vierge !» s'écria la vieille d'un air désappointé, tout en cherchant de l'œil autour d'elle. « Sainte Vierge ! Quelle chaleur ! Quelle foule ! Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Je crois qu'il faudra nous en retourner. Il n'y a pas l'ombre d'un siège vacant, et je ne vois personne d'assez obligeant pour nous offrir le sien. » Cette insinuation peu équivoque éveilla l'attention de deux cavaliers qui occupaient deux tabourets à droite et avaient le dos appuyé contre la 7e colonne à compter de la chaire. Tous deux étaient jeunes et richement vêtus. À cet appel fait à leur politesse par une voix de femme, ils suspendirent leur conversation pour regarder qui parlait. La vieille avait relevé son voile pour faciliter ses recherches dans la cathédrale. Ses cheveux étaient roux et elle louchait. Les cavaliers se retournèrent et reprirent leur conversation. « De grâce !» repartit la compagne de la vieille. « De grâce, Leonella, retournons tout de suite chez nous. La chaleur est excessive et je meurs de peur au milieu de cette foule. » Ces paroles avaient été prononcées avec une douceur sans égale. Les cavaliers interrompirent de nouveau leur entretien. Mais, cette fois, ils ne se contentèrent pas de regarder. Tous deux se levèrent involontairement de leur siège et se tournèrent vers celle qui venait de parler. C'était une personne dont la tournure élégante et délicate inspira aux jeunes gens la plus vive curiosité de voir sa figure. Ils n'eurent pas cette satisfaction. Ses traits étaient cachés par un voile épais. Mais sa lutte avec la foule l'avait suffisamment dérangé pour découvrir un coup qui aurait pu rivaliser de beauté avec celui de la Vénus de Médicis. Il était d'une blancheur éblouissante et encore embelli par de longs flots de cheveux blonds qui descendaient en boucle jusqu'à sa ceinture. Sa taille, plutôt au-dessous qu'au-dessus de la moyenne, était légère et aérienne comme celle d'une hamadryade. Son sein était soigneusement voilé. Sa robe était blanche, nouée d'une ceinture bleue, et laissait tout juste apercevoir un petit pied mignon et démieuffé. Un chapelet à gros grains pendait à son bras, et son visage était couvert d'un voile d'épaisse gaze noire. Telle était la femme à laquelle le plus jeune des cavaliers offrit son siège, ce qui força l'autre de faire la même politesse à la vieille dame. Celle-ci accepta l'offre avec de grandes démonstrations de reconnaissance, mais sans faire beaucoup de façons. La jeune suivit son exemple, mais ne fit pour tout compliment qu'une révérence simple et gracieuse. Don Lorenzo, tel était le nom du cavalier dont elle avait accepté le siège, se mit près d'elle. Mais il avait apparemment dit quelques paroles à l'oreille de son ami, qui comprit à demi-mot et tâcha de faire oublier à la vieille son aimable pupille. « Vous êtes sans doute arrivé depuis peu à Madrid, » dit Lorenzo à sa charmante voisine. « Tant d'attraits n'auraient pu rester longtemps inaperçus. » Et si ce n'était pas aujourd'hui votre première apparition, la jalousie des femmes et l'adoration des hommes vous auraient fait remarquer. » Il s'arrêta dans l'espoir d'une réponse. Comme sa phrase n'en exigeait pas absolument, la dame n'ouvrit point les lèvres. Après quelques instants, il reprit. « Ai-je tort de supposer que vous êtes étrangère à Madrid ?» La dame hésita, et enfin, d'une voix si basse qu'elle était à peine intelligible, elle fit un effort et répondit « Non, Seigneur. Votre intention est-elle d'y rester quelque temps ?»« Oui, Seigneur. Je m'estimerais heureux s'il était en mon pouvoir de contribuer à vous rendre le séjour agréable. Je suis bien connu à Madrid et ma famille n'est pas sans crédit à la cour. Si je puis vous être de quelque utilité, disposez de moi. » Ce sera me faire honneur et plaisir. Assurément, se dit-il, elle ne peut pas répondre à cela par un monosyllabe. Cette fois, il faut qu'elle me dise quelque chose. Lorenzo se trompait. La dame salua de la tête pour toute réponse. Pour le coup, il avait reconnu que sa voisine n'aimait guère à causer. Mais ce silence provenait-il d'orgueil, de réserve, de timidité ou de bêtise? C'est ce qu'il ne pouvait encore décider. Après une pause de quelques minutes, « C'est sans doute parce que vous êtes étrangère, dit-il, et encore peu au fait de nos usages, que vous continuez à porter votre voile. Permettez-moi de vous le retirer. » En même temps, il avançait sa main vers la gaze. La dame l'arrêta. « Je n'ôte jamais mon voile en public, Seigneur. » « Et où est le mal, je vous prie ?» interrompit sa compagne, non sans aigreur. « Ne voyez-vous pas que toutes les autres dames ont quitté le leur, par respect pour le saint lieu où nous sommes ? J'ai déjà moi-même ôté le mien. Et certes, si j'expose mes traits à tous les regards, vous n'avez aucune raison de prendre ainsi l'alarme. » « Bienheureuse Marie, que d'embarras pour la figure d'une enfant ! Allons !» « Allons, petite fille, découvrez-la, je vous garantis que personne ne l'emportera. »« Chère tante, ce n'est pas l'usage en Murcie. »« En Murcie, vraiment ?»« Sainte Barbara, qu'importe, vous êtes toujours à me rappeler cette infâme province. »« C'est l'usage à Madrid, c'est là tout ce qui doit nous occuper. »« Je vous prie donc d'ôter votre voile à l'instant même. » « Obéissez-moi tout de suite, Antonia. Vous savez que je ne peux pas souffrir qu'on raisonne. » La nièce se tut, mais elle ne mit plus d'obstacle aux tentatives de Lorenzo qui, fort de l'approbation de la tante, se hâta d'écarter la gaze. Quelle tête de séraphin se présenta à son admiration! Cependant, elle était plus séduisante que belle. Le charme était moins dans la régularité du visage que dans la douceur et la sensibilité de la physionomie. À les détailler, ses traits, pour la plupart, étaient loin d'être parfaits. Mais l'ensemble était adorable. Sa peau, quoique blanche, n'était pas sans quelques taches. Ses yeux n'étaient pas très grands, ni ses paupières remarquablement longues. Mais aussi ses lèvres avaient toute la fraîcheur de la rose. Son cou, sa main, son bras étaient admirables de proportion. Ses paisibles yeux bleus avaient toute la douceur du ciel et leur cristal étincelé de tout l'éclat des diamants. Elle paraissait âgée d'à peine 15 ans. Un malin sourire qui se jouait sur ses lèvres annonçait en elle une vivacité qu'une timidité excessive comprimait encore. Ses regards étaient pleins d'un embarras modeste, et chaque fois qu'il rencontrait par hasard ceux de Lorenzo, elle les baissait aussitôt. Ses joues se couvraient de rougeur et elle se mettait à dire son chapelet, quoique sa contenance montrât clairement qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Lorenzo la contemplait avec un mélange de surprise et d'admiration. Mais la tante jugea nécessaire de faire l'apologie de la mauvaise honte d'Antonia. « C'est une enfant, dit-elle, qui n'a rien vu du monde. Elle a été élevée dans un vieux château en Murcie, sans autre société que celle de sa mère, qui, Dieu lui fasse paix, la bonne âme, n'a pas plus de bon sens qu'il n'en faut pour porter sa soupe à sa bouche. Et pourtant, c'est ma propre sœur, ma sœur, de père et de mère. » Et elle a si peu de bon sens, dit Don Cristoval, avec un étonnement simulé. Voilà qui est extraordinaire. N'est-ce pas, Seigneur, que c'est étrange? Mais c'est un fait. Et malgré cela, voyez le bonheur de certaines gens. Un jeune gentilhomme, d'une des premières familles, ne se mit-il pas en tête qu'Elvire avait des prétentions à la beauté? Quant à des prétentions, le fait est qu'elle n'en manquait pas. Mais quant à la beauté, si j'avais pris pour m'embellir la moitié autant de peine, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Comme je vous le disais, Seigneur, un jeune homme tomba amoureux d'elle et l'épousa à l'insu de son père. Leur union resta secrète près de 3 ans. Mais enfin la nouvelle en vint aux oreilles du vieux marquis, lequel, comme vous pouvez bien le supposer, n'en fut pas très charmé. Il prit la poste et se rendit en toute hâte à Cordoue, résolu de s'emparer d'Elvire et de l'envoyer n'importe où, pourvu qu'il n'en entendît plus parler. Bienheureux Saint-Paul, comme il tempêta quand il vit qu'elle lui avait échappé, qu'elle avait rejoint son mari et qu'il s'était embarqué pour les Indes. Il jura contre nous tous, comme s'il eût été possédé du malin esprit. Il fit jeter mon père en prison, mon père, le cordonnier le plus honnête et le plus laborieux qui fut à Cordoue. Et à son départ, il eut la cruauté de nous prendre le petit garçon de ma sœur, alors à peine âgé de 2 ans, et que, dans la précipitation de la fuite, elle avait été obligée de laisser derrière elle. Je présume que le pauvre petit misérable fut cruellement traité par lui, car, peu de mois après, nous reçûmes la nouvelle de sa mort. C'était, Signora, un terrible homme que ce vieillard. Horrible et si totalement dénué de goût. Le croiriez-vous, Seigneur, quand je m'efforçais de l'apaiser, il me traita de maudite sorcière et il souhaita que, pour punir le comte, ma sœur devint aussi laide que moi. Laide, en vérité, il est adorable. On n'est pas plus ridicule, s'écria Don Cristoval. Sans aucun doute, le comte eût été trop heureux de pouvoir échanger une sœur contre l'autre. Oh Jésus, Seigneur, vous êtes réellement trop poli. Néanmoins, je suis enchanté, ma foi, que le comte ait été d'un autre avis. Elvire a fait là une si brillante affaire. Après être resté à bouillir et à rôtir aux Indes pendant 13 longues années, son mari meurt. Elle revient en Espagne sans un toit pour abriter sa tête, sans argent pour s'en procurer. Antonia, que voici, était toute petite alors, et c'était le seul enfant qui lui resta. Elle trouva son beau-père remarié, il était toujours furieux contre le comte, et sa seconde femme lui avait donné un fils qui, à ce qu'on dit, est un fort beau jeune homme. Le vieux marquis refusa de voir ma sœur et son enfant, mais il lui fit savoir que, sous condition de ne jamais entendre parler d'elle, il lui assignerait une petite pension et lui permettrait de vivre dans un vieux château qu'il possédait en Murcie. Ce château avait été l'habitation favorite de son fils aîné. Mais depuis que ce fils s'était enfui d'Espagne, le vieux marquis ne pouvait plus souffrir cette résidence et la laissait tomber en ruine. Ma sœur accepta la proposition, elle se retira en Murcie et elle y est restée jusqu'au mois dernier. « Et quel motif l'amène à Madrid ?» s'informa Don Lorenzo, qui admirait trop la jeune Antonia pour ne pas prendre un vif intérêt au récit de la vieille bavarde. « Hélas, Seigneur, son beau-père vient de mourir, et l'intendant du domaine de Murcie a refusé de lui payer plus longtemps sa pension. Elle vient à Madrid dans l'intention de supplier le nouvel héritier de la lui continuer. Mais je crois qu'elle aurait bien pu s'épargner cette peine. Vous autres, jeunes seigneurs, vous savez toujours que faire de votre argent, et vous êtes rarement disposés à vous en priver pour de vieilles femmes. J'avais conseillé à ma sœur d'envoyer Antonia avec sa pétition, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle est si obstinée. Mais elle se trouvera mal de n'avoir pas suivi mon idée. L'enfant a un joli minois. Et peut-être bien qu'elle aurait obtenu beaucoup. « Ah, Signora, interrompit Don Cristoval, prenant un air passionné, s'il faut un joli minois, pourquoi votre sœur n'a-t-elle pas recours à vous ?»« Oh, Jésus, Seigneur, je vous jure que je suis tout accablé de vos galanteries, mais je connais trop bien le danger de pareilles commissions. » pour me mettre à la merci d'un jeune gentilhomme. Non, non, jusqu'ici, j'ai préservé ma réputation de toute atteinte et j'ai toujours su tenir les hommes à distance. Oh, pour cela, Signora, je n'en doute nullement. Mais permettez-moi de vous le demander, vous avez donc de l'aversion pour le mariage? Voilà une question un peu personnelle. Je ne puis pourtant m'empêcher d'avouer que s'il se présentait un aimable cavalier. » Ici, elle voulut lancer à Don Cristoval un regard tendre et significatif. Mais comme malheureusement elle louchait abominablement, l'œillade tomba sur Lorenzo, qui prit le compliment pour lui et y répondit par un profond salut. « Puis-je vous demander, dit-il, le nom du marquis ?»« Le marquis de la Cisternas. » Je le connais intimement. Il n'est point à Madrid pour le moment, mais on l'attend de jour en jour. C'est le meilleur des hommes, et si l'aimable Antonia veut me permettre d'être son avocat auprès de lui, je me flatte d'être en état de lui faire gagner sa cause. Antonia leva ses yeux bleus et le remercia silencieusement de cette offre par un sourire d'une douceur inexprimable. La satisfaction de Leonella fut beaucoup plus bruyant. Le fait est que, comme généralement sa nièce était fort silencieuse en sa présence, elle regardait comme un devoir de parler assez pour deux, et ce devoir, elle s'en acquittait sans peine, car il était bien rare qu'elle se trouvât à court de parole. « Oh, Seigneur !» s'écria-t-elle, « toute notre famille vous en saura les plus grandes obligations. J'accepte votre offre avec toute la reconnaissance possible. » Et je vous rends mille grâces de votre générosité. Antonia, pourquoi ne parlez-vous pas, ma chère? Monsieur vous dit toutes sortes de choses civiles, et vous restez comme une statue, et vous ne prononcez pas une seule syllabe de remerciement, ni bonne, ni mauvaise. Ma chère tante, je sens que... Fi donc, ma nièce, que deux fois je vous ai dit qu'il ne fallait jamais interrompre une personne qui parle. Quand m'avez-vous vu faire une pareille chose? Sont-ce là vos manières de Murcie? Miséricorde. Jamais je ne ferai de cette fille-là rien qui ressemble à une personne bien élevée. Mais je vous prie, Seigneur, continua-t-elle en s'adressant à Don Cristoval, apprenez-moi pourquoi il y a tant de monde aujourd'hui dans la cathédrale. Est-il possible que vous ignoriez qu'Ambrosio, le prieur de ce monastère, prononce ici un sermon tous les jeudis? Madrid entier retentit de ses louanges. Il n'a encore prêché que 3 fois, mais tous ceux qui l'ont entendu sont tellement ravis de son éloquence qu'il est aussi difficile de se procurer des places à l'église qu'à la première représentation d'une nouvelle comédie. Sa réputation a dû certainement parvenir jusqu'à vous. Hélas, Seigneur, jusqu'à hier, je n'avais pas eu le bonheur de voir Madrid. Et à Cordoue, nous sommes si peu informés de ce qui se passe dans le reste du monde que jamais le nom d'Ambrosio n'a été prononcé dans ces murs. Vous le trouverez ici, dans toutes les bouches. Ce moine semble avoir fasciné tous les habitants. Et n'ayant point même assisté à ses sermons, je suis étonné de l'enthousiasme qu'il excite. Jeunes et vieux, hommes et femmes, c'est une adoration générale et sans exemple. Nos grands l'accablent de présents. Leurs femmes refusent tout autre confesseur et il est connu par toute la ville sous le nom de l'homme de Dieu. Je ne vous demande pas, Seigneur, s'il est de noble origine. On l'ignore jusqu'à présent. Le dernier prieur des Capucins le trouva, encore enfant, à la porte du monastère. Toutes les recherches que l'on a faites pour découvrir qui l'avait laissé là ont été inutiles, et lui-même n'a pu donner aucun indice sur ses parents. Il a été élevé dans le couvent, et il y est resté depuis. Il a montré de bonne heure un goût décidé pour l'étude et pour la retraite, et aussitôt qu'il a été en âge, il a prononcé ses vœux. Personne ne s'est jamais présenté pour le réclamer, ou pour éclaircir le mystère qui couvre sa naissance. Et les moines, qui y trouvent leur compte à cause de la vogue qu'ils procurent à leur maison, n'ont pas hésité à publier que c'est un présent que leur a fait la Vierge. En vérité, la singulière austérité de sa vie prête quelque appui à cette version. Il est maintenant âgé de 30 ans et chacune de ses heures s'est passée dans l'étude, dans un isolement absolu du monde et dans la mortification de la chair. Avant d'être nommé supérieur de sa communauté, il y a de cela 3 semaines, il n'était jamais sorti des murs du couvent. Même à présent, il ne les quitte que le jeudi, lorsqu'il vient dans cette cathédrale prononcer un serment qui attire tout Madrid. Sa science, dit-on, est des plus profondes, son éloquence des plus persuasives. Dans le cours entier de sa vie, il n'a pas que l'on sache transgresser une seule règle de son ordre. On ne découvre pas la plus petite tache à sa réputation, et il passe pour observer si strictement son vœu de chasteté qu'il ne sait pas en quoi consiste la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Aussi, les gens du peuple le regardent comme un saint. « Un saint pour cela ?» dit Antonia. « Alors, je suis donc une sainte ?» « Bienheureuse Barbara !» s'écria Leonella. « Quelle question ! Fis donc, petite fille, fis donc ! Ce ne sont pas là des sujets convenables pour de jeunes personnes. Vous ne devriez pas avoir l'air de vous souvenir qu'il existe sur la terre rien de semblable à un homme, et vous devriez supposer que tout le monde est du même sexe que vous. Il serait beau de vous voir donner à entendre aux gens que vous savez que les hommes n'ont point de gorge, point de hanche, point de... » L'ignorance d'Antonia aurait été bientôt dissipée par la leçon de sa tante. Et heureusement, un murmure général dans l'église annonça l'arrivée du prédicateur. Donia Leonella se leva pour mieux le voir, et Antonia suivit son exemple. C'était un homme d'un port noble et d'un aspect imposant. Sa taille était haute et sa figure remarquablement belle. Il avait un nez aquilin, de grands yeux noirs et étincelants, et d'épais sourcils qui se touchaient presque. Son teint était d'un brun foncé mais transparent. L'étude et l'éveil avaient entièrement décoloré ses joues. La tranquillité régnait sur son front sans rides, et le contentement exprimé dans chacun de ses traits annonçait une âme exempte de soucis comme de crimes. Il salua humblement l'assemblée. Pourtant, même alors, il y avait dans sa physionomie et dans sa contenance une certaine sévérité qui imposait généralement. Et peu de regards étaient capables de soutenir le feu des siens. Tel était Ambrosio, prieur des Capucins et surnommé l'homme de Dieu. Antonia, qui le considérait avidement, sentit son cœur troublé d'un plaisir inconnu et dont elle chercha vainement à se rendre compte. Elle attendait avec impatience que le sermon commençât, et lorsque, enfin, le moine parla, le son de sa voix sembla la pénétrer jusqu'au fond de l'âme. Quoique aucun des assistants n'éprouva d'aussi violentes sensations que la jeune Antonia, ils écoutaient tous avec intérêt et émotion. Ceux qui étaient insensibles à la morale du prêtre étaient enchantés du talent de l'orateur. Tous sentaient leur attention irrésistiblement dominée, et le plus profond silence régnait dans la foule. Lorenzo lui-même ne put résister au charme. Il oublia qu'Antonia était assise près de lui. Il n'eut plus d'oreilles que pour le prédicateur. Dans un langage nerveux, clair et simple, le moine développa les beautés de la religion. Il donna de certains passages des Saintes Écritures une explication qui entraîna la conviction générale. Sa voix, distincte à la fois et grave, sembla chargée de toutes les menaces de la tempête lorsqu'il déclama contre les vices de l'humanité et décrivit les châtiments qui les attendaient dans la vie future. Chacun des auditeurs fit un retour sur ses offenses passées et trembla. Chacun entendait rouler sur sa tête le tonnerre dont l'éclat devait l'écraser. Chacun voyait s'ouvrir sous ses pieds l'abîme de la destruction éternelle. Mais lorsqu'Ambrosio, changeant de thème, célébra les mérites d'une conscience sans tache, le glorieux avenir promis aux âmes exemptes de reproches et la récompense qui leur était réservée dans les régions de la gloire infinie, les assistants sentirent peu à peu se relever leurs esprits abattus. Ils se jetèrent avec confiance aux pieds miséricordieux de leur juge. Ils s'attachèrent avec joie aux paroles consolantes du prédicateur. Et cette voix sonore, répandant sur eux sa mélodie, les transporta dans ces contrées heureuses qu'ils peignaient à leur imagination sous des couleurs si vives et si brillantes. Le sermon était fort étendu. Cependant, lorsqu'il fut terminé, les auditeurs regrettèrent qu'il n'eût pas duré plus longtemps. Quoique le moine eût cessé de parler, un silence d'admiration régnait encore dans l'église. À la fin, le charme s'étant dissipé par degrés, l'enthousiasme se manifesta hautement. Ambrosio descendait de la chaire. On l'entoura, on le combla de bénédictions. On tomba à ses pieds, on baisa le bord de sa robe. Il passa lentement, les mains dévotement croisées sur sa poitrine, jusqu'à la porte qui donnait dans la chapelle du couvent et où ses moines attendaient son retour. Il monta les marches, et alors, se tournant vers ceux qui le suivaient, il leur adressa quelques mots de reconnaissance et d'exhortation. Comme il parlait, son rosaire, composé de gros grains d'ambre, lui échappa de la main et roula au milieu de la multitude. Elle s'en saisit avec avidité et se le partagea immédiatement. Tous ceux qui purent en avoir un grain le conservèrent comme une précieuse relique. Et quand c'eût été le chapelet du trois fois béni Saint François lui-même, on ne se le serait pas disputé avec plus d'ardeur. Le prieur sourit de leur empressement, et leur ayant donné sa bénédiction, il quitta l'église. L'humilité était sur tous ses traits. Était-elle aussi dans son cœur ? Antonia le suivit des yeux avec anxiété. Il lui sembla, quand la porte se referma sur lui, qu'elle venait de perdre quelque chose d'essentiel à son bonheur. Une larme roula en silence sur sa joue. « Il est séparé du monde, » se dit-elle. « Peut-être ne le verrai-je plus. » Comme elle essuyait cette larme, Lorenzo remarqua son mouvement. « Êtes-vous contente de notre prédicateur, » dit-il, « ou pensez-vous que Madrid élève trop haut son talent ?» Le cœur d'Antonia était si plein d'admiration pour le moine qu'elle saisit avidement l'occasion de parler de lui. D'ailleurs, Ne considérant plus Lorenzo précisément comme un étranger, elle se sentait moins embarrassée par son extrême timidité. « Oh, il dépasse de beaucoup mon attente, » répondit-elle. « Jusqu'ici, je n'avais aucune idée du pouvoir de l'éloquence. Et tandis qu'il parlait, sa voix m'a inspiré tant d'intérêt, tant d'estime, je dirais presque tant d'affection pour lui, que je suis moi-même étonné de la vivacité de mes sentiments. » Lorenzo sourit de la force de ses expressions. « Vous êtes jeune et vous débutez dans la vie, » dit-il. « Votre cœur, neuf au monde et plein de chaleur et de sensibilité, reçoit avidement ses premières impressions. Sans artifice vous-même, vous ne soupçonnez pas les autres d'imposture. Et, voyant le monde à travers le prisme de votre innocence et de votre sincérité, vous vous imaginez que tout ce qui vous entoure mérite votre confiance et votre estime. Quel malheur que de si riantes visions doivent bientôt se dissiper. Quel malheur qu'il vous faille bientôt découvrir la bassesse du genre humain et vous garder de vos semblables comme d'autant d'ennemis. « Hélas, Seigneur, » répondit Antonia, « les infortunes de mes parents ne m'ont déjà fourni que trop d'exemples attristants de la perfidie du monde. Mais assurément, cette fois, la chaleur de la sympathie ne peut m'avoir trompé. Cette fois, je reconnais que non. La réputation d'Ambrosio est tout à fait sans reproche, et un homme qui a passé toute sa vie entre les murs d'un couvent ne peut avoir trouvé l'occasion de mal faire, quand même son penchant l'y pousserait. Mais à présent que les devoirs de sa position vont l'obliger d'entrer de temps à autre dans le monde et le jeter sur la voie de la tentation, c'est à présent qu'il aura à montrer sa vertu dans tout son état. L'épreuve est dangereuse. Il est précisément à cette époque de la vie où les passions sont les plus violentes, les plus indomptées, les plus despotiques. Sa réputation le désignera aux séductions comme une victime illustre. La nouveauté ajoutera ses charmes aux entraînements du plaisir, et les talents mêmes, dont la nature l'a doué, contribueront à sa ruine en lui facilitant les moyens de satisfaire ses désirs. Bien peu de gens reviendraient vainqueurs d'une lutte si périlleuse. Oh, si restreint qu'en soit le nombre, Ambrosio en sera certainement. Je n'en doute pas non plus. Sous tous les rapports, il fait exception parmi les hommes, et l'envie chercherait en vain une tache sur sa réputation. Vous me ravissez, Seigneur, en me donnant cette assurance. Elle m'encourage à m'abandonner à la prévention favorable qu'il m'inspire, et vous ne savez pas quelle peine j'aurais eu à réprimer ce sentiment. Ah, très chère tante, engagez ma mère à le choisir pour notre confesseur. Moi, l'y engager ? Répliqua Leonella. Je vous promets que je n'en ferai rien. Je ne l'aime pas du tout, votre Ambrosio. Il a une mine sévère qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. S'il était mon confesseur, je n'aurais jamais le courage de lui avouer la moitié de mes peccadilles. Et alors, je serais dans une jolie position. Je n'ai jamais vu mortel avoir l'air si rigide, et j'espère bien ne pas voir son pareil de ma vie. Son portrait du diable, Dieu nous bénisse, a failli me rendre folle de frayeur. Et quand il a parlé des pêcheurs, on eût dit qu'il allait les manger. Vous avez raison, Señora, repartit Don Cristoval. Trop de sévérité est, dit-on, le seul défaut d'Ambrosio. Exempt lui-même des humaines faiblesses, il n'est point assez indulgent pour celles des autres. Et bien que strictement juste et impartial dans ses décisions, son administration a déjà fourni des preuves de son inflexibilité. Mais la foule est presque dissipée. Voulez-vous nous permettre de vous accompagner jusqu'à votre demeure ? Ouh, Jésus, Seigneur, s'écria Leonella, feignant de rougir. Je ne voudrais pas le souffrir pour tout au monde. Si je rentrais escorté d'un si galant cavalier, ma sœur est si scrupuleuse qu'elle me ferait de la morale pendant une heure. Ce serait à n'en pas voir la fin. D'ailleurs, je préfère que vous différiez quelque peu vos propositions. Mes propositions ? Je vous proteste, Señora. Oh, Seigneur, je ne doute pas de votre impatience ni de la sincérité de vos protestations. mais réellement, j'ai besoin d'un peu de répit. Ce ne serait point agir avec toute la délicatesse dont je me pique que d'accepter votre main à première vue. Accepter ma main? Comme il est vrai que je vis et que je respire. Oh! Cher Seigneur, ne me pressez pas davantage. Si vous m'aimez, je considérerai votre obéissance comme une preuve de votre affection. Vous recevrez demain de mes nouvelles. Adieu donc. Mais, cavalier, ne puis-je vous demander vos noms? Mon ami est le comte d'Osorio. Moi, je suis Lorenzo de Medina. Il suffit. Eh bien, Don Lorenzo, je ferai part à ma sœur de votre offre obligeante et je vous instruirai sans retard de sa réponse. Où puis-je vous l'adresser? On peut toujours me trouver au palais Medina. Vous aurez de mes nouvelles. Vous pouvez y compter. Adieu, cavalier. Seigneur comte, modérez, je vous en conjure, l'excessive ardeur de votre passion. Cependant, pour vous prouver que je ne m'en offense point, et pour vous empêcher de vous abandonner au désespoir, recevez cette marque de mon affection, et, dans l'absence, accordez parfois une pensée à Leonella. En disant cela, elle lui tendit une main sèche et ridée, que son amoureux supposé baisa de si mauvaise grâce et d'un air de contrainte si évident que Lorenzo eut peine à retenir son envie de rire. Leonella alors se hâta de quitter l'église. L'aimable Antonia la suivit en silence, mais quand elle atteignit le portail, elle se tourna involontairement et ses yeux se reportèrent sur Lorenzo. Il la salua en signe d'adieu, elle rendit la politesse et se retira précipitamment. « Eh bien, Lorenzo, dit Don Cristobal, aussitôt qu'ils furent seuls, vous m'avez procuré une aimable intrigue. Pour favoriser vos projets sur Antonia, je fais obligeamment quelques honnêtetés insignifiantes à sa tante, et en une heure, me voilà à la veille d'un mariage. Comment me récompenserez-vous de tout ce que j'ai souffert pour vous? Puis-je être jamais dédommagé du baiser qu'il m'a fallu donner sur la patte tannée de cette maudite sorcière? Diavolo! Elle m'a laissé une telle odeur sur les lèvres que je sentirai encore l'ail dans un mois d'ici. Quand je passerai dans le Prado, on me prendra pour une omelette ambulante ou pour quelques gros oignons montés en graines. Je confesse, mon pauvre comte, répliqua Lorenzo, que votre service n'a pas été sans danger. Pourtant, je suis loin de le croire au-dessus de vos forces que je vous prierai probablement de ne pas renoncer sitôt à vos amours. Je conclus de cette demande que la petite Antonia a fait quelque impression sur vous. Je ne puis vous exprimer à quel point elle m'a charmé. Depuis la mort de mon père, mon oncle, le duc de Medina, m'a témoigné son désir de me voir marié. Jusqu'ici, j'ai fermé l'oreille à toutes ses suggestions, et j'ai refusé de les comprendre. Mais ce que j'ai vu ce soir... Eh bien, qu'avez-vous vu ce soir? Sérieusement, Don Lorenzo, vous n'êtes pas assez fou pour songer à faire votre femme de la petite fille du cordonnier, le plus honnête et le plus laborieux de Cordoue. Vous oubliez qu'elle est aussi la petite fille de feu le marquis de la Cisternas. Mais, sans discuter la naissance et les titres, je puis vous assurer que je n'ai jamais vu de femme aussi intéressante qu'Antonia. C'est fort possible. Mais vous ne pouvez pas avoir l'intention de l'épouser. Pourquoi non, mon cher comte? J'aurai assez de fortune pour nous deux. Et vous savez que mon oncle est sans préjugés sur cet article. D'après ce que je sais de Raymond de la Cisternas, je suis certain qu'il reconnaîtra sans difficulté Antonia pour sa nièce. Je serais un misérable si je songeais à la séduire, car, en vérité, elle semble posséder toutes les qualités que je puis souhaiter dans une femme, jeune, aimable, douce, spirituelle. Spirituelle? Elle n'a pas dit autre chose que oui et non. Dire plus, j'en conviens. Mais c'était toujours si à propos. Réellement, je vous rends les armes. Voilà un véritable argument d'amoureux. Et je n'ose discuter plus longtemps avec un si profond casuiste. Si nous allions à la comédie. Cela m'est impossible. Je ne suis arrivé que d'hier soir à Madrid, et je n'ai pas encore vu ma sœur. Vous savez que son couvent est dans cette rue, et je m'y rendais lorsque j'ai été détourné par la curiosité de savoir la cause de l'affluence qui se portait vers l'église. Je vais maintenant suivre ma première idée, et probablement je passerai la soirée avec ma sœur à la grille du parloir. Votre sœur est dans un couvent, dites-vous ? Oh, c'est vrai, je l'avais oublié. Et comment va Doña Agnès ? Je m'étonne, Don Lorenzo, que vous ayez pu penser à claquemurer dans un cloître une si charmante fille. Moi, Don Cristoval, pouvez-vous me soupçonner d'une telle barbarie ? Vous savez que c'est de son propre gré qu'elle a pris le voile, et que des circonstances particulières lui ont fait désirer de se retirer du monde. J'ai usé de tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour la détourner de cette résolution. Mes efforts ont été vains, et j'ai perdu une sœur. Vous ne vous en êtes pas trouvé plus mal. Il me semble, Lorenzo, que vous avez dû considérablement gagner à cette perte. Si j'ai bonne mémoire, Doña Agnès avait pour sa part 10 000 piastres, dont la moitié a dû revenir à votre seigneurie. Par Saint Iago, je voudrais avoir 50 sœurs de la même catégorie. Je consentirais à les perdre toutes jusqu'à la dernière, sans un moindre crève-cœur. Comment, comte ? Dit Lorenzo irrité. Vous me supposez assez bas pour avoir influencé la retraite de ma sœur. Vous supposez que l'ignoble désir de me rendre maître de sa fortune a pu... Admirable. Courage, Don Lorenzo. Le voilà tout en feu. Dieu veuille qu'Antonia calme ce bouillant caractère, ou certainement nous nous couperons la gorge avant la fin du mois. Cependant, pour prévenir, quand à présent une si tragique catastrophe, je bats en retraite et vous laisse le champ de bataille. Adieu, mon chevalier du Mont Etna. Modérez cette disposition inflammable. Et rappelez-vous que toutes les fois qu'il sera nécessaire que je fasse la cour à votre vieille coquine, vous pouvez compter sur moi. Il dit et s'élança hors de la cathédrale. Quel écervelé, dit Lorenzo, avec un si excellent cœur. Quel malheur qu'il ait si peu de solidité de jugement. La nuit s'avançait rapidement. Les lampes n'étaient point encore allumées. Les faibles lueurs de la lune naissante perçaient à peine la gothique obscurité de l'église. Lorenzo se sentit incapable de quitter la place. Le vide laissé dans son cœur par l'absence d'Antonia et le sacrifice de sa sœur que Don Cristoval venait de rappeler à son esprit l'avait livré à une mélancolie qui ne s'accordait que trop bien avec l'ombre religieuse qui l'environnait. Il était toujours appuyé contre la 7e colonne à compter de la chaire. Un air doux et frais soufflait le long des galeries solitaires. Les rayons que la lune dardait à travers les vitraux de couleur teignaient de 1000 nuances diverses les voûtes sculptées et les piliers massifs. Un profond silence régnait dans l'église, interrompu seulement par le bruit de quelques portes que l'on fermait dans le couvent voisin. Le calme de l'heure et la solitude du lieu contribuèrent à nourrir la disposition mélancolique de Lorenzo. Il se jeta sur un siège placé près de lui et s'abandonna au prestige de son imagination. Il pensa à son union avec Antonia. Il pensa aux obstacles que pourraient rencontrer ses désirs. Et une foule de visions changeantes lui passèrent devant l'esprit. Triste, il est vrai, mais non pénible. Insensiblement, le sommeil s'empara de lui, et le cadre solennel de ses idées dans l'état de veille continua pour quelques instants d'influencer ses rêves. Il se croyait toujours dans l'église des Capucins, mais elle n'était plus sombre ni solitaire. Une multitude de lampes d'argent suspendues aux voûtes répandait de la lumière. Accompagné d'un chœur ravissant de voix lointaines, l'orgue emplissait l'église de mélodies. L'autel semblait décoré pour quelque grande fête. Une compagnie brillante se tenait alentour. Et Antonia était auprès, vêtue de blanc comme une fiancée, et rougissante avec tout le charme de sa modestie virginale. Partagé entre l'espoir et la crainte, Lorenzo contemplait cette scène. Soudain, la porte qui conduisait au couvent s'ouvrit, et il vit s'avancer, suivi d'un long cortège de moines, le prédicateur qu'il venait d'écouter avec tant d'admiration. Le prieur imaginaire s'approcha d'Antonia. « Et où est le fiancé ? » demanda-t-il. Antonia sembla regarder dans l'église avec anxiété. Involontairement, le jeune homme fit quelque part de sa cachette. Elle le vit, et sa joue se colora de plaisir. D'un geste gracieux, elle l'invita à avancer. Il ne désobéit pas à cet ordre. Il vola vers elle et tomba à ses pieds. Elle recula un instant, puis le regardant avec une joie inexprimable. « Oui, s'écria-t-elle, mon fiancé, l'époux qui m'est destiné !» Elle dit et s'empressait de se jeter dans les bras de Lorenzo. Mais avant qu'il n'eût le temps de l'y recevoir, un inconnu s'élança entre eux. Sa taille était gigantesque, son teint basané, ses yeux féroces et terribles, sa bouche soufflait des masses de feu, et sur son front était écrit en caractères lisibles « Orgueil, luxure, inhumanité ». Antonia fit un cri. Le monstre la saisit dans ses bras, et sautant sur l'autel avec elle, la tortura de ses odieuses caresses. Elle s'efforçait en vain de se soustraire à ses embrassements. Lorenzo vola à son secours, mais au moment où il allait l'atteindre, un grand coup de tonnerre se fit entendre. Aussitôt, la cathédrale parut s'écrouler en débris. Les moines prirent la fuite avec des cris d'effroi. Les lampes s'éteignirent, l'autel s'abîma, et à sa place parut un gouffre qui vomissait des torrents de flammes. Le monstre y plongea avec un hurlement horrible. Et dans sa chute, il essaya d'entraîner Antonia. Ses efforts furent vains. Animée d'une vigueur surnaturelle, elle se dégagea enfin de l'étreinte du monstre, mais il lui avait arraché sa blanche robe. Aussitôt, chacune de ses épaules déploya une aile resplendissante. Elle prit son essor, et tout en s'élevant, elle cria à Lorenzo, « Ami, nous nous reverrons là-haut !» Au même instant, la voûte de la cathédrale s'ouvrit, des voix harmonieuses montèrent aux cieux, et la gloire où Antonia était reçue se composait de rayons si éblouissants que Lorenzo ne put en soutenir l'éclat. Sa vue s'obscurcit et il tomba par terre. Quand il s'éveilla, il se trouva effectivement étendu sur le pavé de l'église. Elle était éclairée et le chant des hymnes s'entendait à distance. Lorenzo fut quelque temps à se persuader que ce qu'il venait de voir n'était qu'un rêve, tant l'impression en avait été forte sur son esprit. Un peu de réflexion le convainquit de son erreur. Les lampes avaient été allumées pendant son sommeil, et la musique qu'il avait entendue était celle des moines qui célébraient les vêpres dans la chapelle de l'abbaye. Lorenzo se leva et se prépara à tourner ses pas vers le couvent de sa sœur, la tête encore tout occupée de la singularité de son rêve. Il approchait du portail lorsque son attention fut attirée par une ombre qu'il vit se mouvoir sur la muraille opposée. Il se hâta de regarder alentour, et bientôt il découvrit un homme enveloppé dans un manteau et qui semblait examiner soigneusement si ses actions étaient observées. Il est peu de personnes qui sachent résister aux tentations de la curiosité. L'inconnu semblait fort désireux de cacher ce qu'il venait faire dans la cathédrale. Et ce fut précisément ce qui donna à Lorenzo l'envie de savoir ce que ce pouvait être. Notre héros sentait bien qu'il n'avait aucun droit d'épier le secret de cet inconnu. « Je vais m'en aller, » dit Lorenzo. Et Lorenzo ne bougea pas de place. L'ombre projetée par la colonne dérobait sa présence à l'étranger, qui continua de s'avancer avec précaution. À la fin, il tira une lettre de son manteau et la plaça vite au-dessous d'une statue colossale de saint François. Puis, se retirant précipitamment, il s'enfonça dans une partie de l'église, très éloignée de celle où était l'image du saint. « C'est cela ?» se dit Lorenzo, « quelque folle affaire d'amour. Je crois que je ferai aussi bien de partir, car je n'y peux rien. » La vérité est que, jusqu'alors, il ne lui était pas venu en tête qu'il n'y pût rien faire. Mais c'était une petite excuse qu'il croyait devoir se présenter à lui-même pour se justifier d'avoir cédé à sa curiosité. Il fit une seconde tentative pour sortir de l'église, et cette fois il en gagna le portail sans rencontrer aucun empêchement. Mais il était écrit qu'il viendrait encore une visite ce soir-là. Comme il descendait les marches qui conduisent à la rue, un cavalier le heurta avec une violence telle qu'ils faillirent l'un et l'autre être renversés du coup. Lorenzo mit la main à son épée. « Ah, ça, dit-il, que signifie cette brutalité ?»« Ah, est-ce vous, Medina ?» reprit le nouveau venu, que Lorenzo à sa voix reconnut pour Don Cristoval. « Vous êtes le plus heureux des mortels de n'avoir pas quitté l'église avant mon retour. Dedans, dedans, mon cher garçon, elles seront ici dans une minute. Qui est-ce qui sera ici ? La vieille poule avec tous ses jolis petits poussins. Entrons, vous dis-je, et puis vous saurez toute l'histoire. » Lorenzo le suivit dans la cathédrale et ils se cachèrent derrière la statue de Saint François. « Eh bien, dit notre héros, puis-je prendre la liberté de demander ce que veulent dire cet empressement et ces transports ?»« Oh, Lorenzo, nous allons avoir un si merveilleux coup d'œil. L'abbesse de Sainte-Claire et toute sa suite de nonnes arrivent ici. Il faut que vous sachiez que le pieux père Ambrosio, le Seigneur l'en récompense, ne consent sous aucun prétexte à dépasser l'enceinte de son abbaye. Comme il est absolument nécessaire que tout couvent à la mode l'ait pour confesseur, les nonnes, en conséquence, sont obligées de lui rendre visite à son monastère. Puisque la montagne ne veut point aller à Mahomet, il faut bien que Mahomet aille à la montagne. Or, l'abbesse de Sainte-Claire, pour échapper à tous les regards impurs, tels que les vôtres et ceux de votre humble serviteur, juge à propos d'attendre la brune pour mener à la confession son troupeau béni. Elle va être introduite dans la chapelle de l'abbaye par cette porte particulière, la portière de Sainte-Claire, qui est une digne vieille âme, et une amie intime à moi, vient de m'assurer qu'elle serait ici dans un instant. Voilà des nouvelles pour vous, mauvais sujet. Nous allons voir quelques-uns des plus jolis minois de Madrid. La vérité est, Cristoval, que nous ne verrons rien. Les nonnes sont toujours voilées. Non, non, je suis mieux au fait. Quand elles entrent dans un lieu consacré, elles ôtent toujours leur voile, par respect pour le saint auquel il est dédié. Mais écoutez, elles viennent. Silence. Observez et soyez convaincus. C'est bon, se dit Lorenzo. Peut-être vais-je découvrir à qui s'adressent les vœux du mystérieux étranger. À peine Cristoval avait cessé de parler, que l'abbesse de Sainte-Claire parut, suivie d'une longue file de nonnes. Chacune, en entrant dans l'église, retira son voile. La supérieure croisa ses mains sur sa poitrine et fit une profonde révérence lorsqu'elle passa devant la statue de Saint François, patron de cette cathédrale. Les nonnes imitèrent son exemple et se remirent en marche sans avoir satisfait la curiosité de Lorenzo. Il commençait presque à désespérer d'éclaircir ce mystère lorsque, en saluant Saint François, l'une d'elles laissa tomber son rosaire. Au moment où elle se baissa pour le ramasser, la lumière frappait en plein sur son visage. Elle retira adroitement la lettre qui était au-dessous de la statue, elle la mit dans son sein et s'empressa de reprendre son rang dans la file. « Ah !» dit Don Cristoval à la voix basse, « nous tenons là une petite intrigue à coup sûr. » « Agnès ! Par le ciel !» s'écria Lorenzo. « Quoi ? Votre sœur, diavolo, je prévois que votre curiosité coûtera cher à quelqu'un. » « Oui, il me le paiera cher. » Sans délai, repartit le frère courroucé. La pieuse procession était entrée dans le monastère et la porte s'était refermée sur elle. L'inconnu quitta aussitôt sa cachette et se hâta de sortir de l'église. Mais avant d'effectuer son projet, il aperçut Médina qui était placée sur son passage. L'étranger recula promptement et abaissa son chapeau sur ses yeux. « N'essayez pas de m'échapper !» s'écria Lorenzo. « Je saurai qui vous êtes et ce que contient cette lettre. »« Cette lettre ?» répéta l'inconnu. « Et quel droit avez-vous de me faire cette question ?»« Un droit dont je rougis maintenant. Mais vous n'en avez aucun de m'interroger. Ou répondez en détail à mes demandes, ou que votre épée réponde pour vous. »« Ce dernier mode sera le plus court, » répliqua l'autre tirant sa rapière. « Allons, seigneur, bravo, je suis prêt. » Brûlant de rage, Lorenzo fondit sur lui, et déjà les antagonistes avaient échangé plusieurs passes avant que Cristoval, qui en ce moment avait plus de raison qu'aucun d'eux, eût pu se jeter entre leurs armes. « Arrêtez, arrêtez, Médina !» s'écria-t-il. « Songez aux conséquences de verser du sang dans un lieu consacré. » L'étranger aussitôt abaissa son épée. « Médina ! » s'écria-t-il. « Grand Dieu ! Est-il possible ? Lorenzo, avez-vous tout à fait oublié Raymond de la Cisternas ?» Chaque instant augmentait l'étonnement de Lorenzo. Raymond s'avança vers lui. Mais avec un regard méfiant, Lorenzo retira sa main que l'autre s'apprêtait à prendre. « Vous, en ces lieux, marquis, que veut dire tout ceci ? Vous, engagé dans une correspondance clandestine avec ma sœur, dont l'affection m'a toujours été et m'est encore acquise, mais l'endroit n'est pas convenable pour une explication. Accompagnez-moi à mon hôtel et vous saurez tout. Qui est avec vous ? Quelqu'un que vous avez déjà vu, je pense, repartit Don Cristoval, mais non à l'église, vraisemblablement. Le comte Osorio ? Précisément, marquis. Je n'ai aucune objection à vous confier mon secret, car je suis sûr que je puis compter sur votre silence. Alors, vous avez de moi meilleure opinion que je n'en ai moi-même, et je vous demande la permission d'éviter cette confidence. Allez de votre côté, et j'irai du mien. Marquis, où vous trouve-t-on ? Comme de coutume, à l'hôtel de la Cisternas. Mais rappelez-vous que je suis incognito, et que, si vous désirez de me voir, vous devez demander à Alfonso d'Alvarada. Bon, bon. Adieu, cavalier, dit Don Cristoval, et il partit à l'instant même. Vous, marquis, dit Lorenzo avec l'accent de la surprise, vous, Alfonso d'Alvarada. Moi-même, Lorenzo, mais à moins que vous n'ayez jamais su mon histoire par votre sœur, j'ai à vous raconter bien des choses qui vous étonneront. Suivez-moi donc à mon hôtel sans délai. À ce moment, le portier des Capucins entra dans la cathédrale afin d'en fermer les portes pour la nuit. Les deux gentilshommes se retirèrent immédiatement et se rendirent en toute hâte au palais de la Cisternas. « Eh bien, Antonia, dit la tante aussitôt qu'elle eut quitté l'église, que pensez-vous de nos galants ? Réellement, Don Lorenzo paraît être un bon et obligeant jeune homme. Il a fait quelque attention à vous et personne ne sait ce qui peut en advenir. Mais quant à Don Cristoval, je vous proteste que c'est un phénix de politesse. Si galant, si bien élevé, si spirituel et si tendre. Ah, si jamais homme peut me décider à rompre le vœu que j'ai fait de ne point me marier, ce sera ce Don Cristoval. Vous voyez, nièce, que chaque chose tourne exactement comme je vous l'ai prédit. Je savais bien que dès l'instant où je me montrerais à Madrid, je serai entouré d'adorateurs. Quand j'ai ôté mon voile, avez-vous vu, Antonia, l'effet que j'ai produit sur le comte? Et quand je lui ai présenté ma main, avez-vous observé l'air passionné avec lequel il l'a baisé? Si jamais j'ai vu symptôme d'amour réel, c'est bien sur la physionomie de Don Cristoval. Antonia avait observé de quel air Don Cristoval avait baisé cette main. Mais comme elle en avait tiré des conclusions quelque peu différentes de celles de sa tante, elle eut la prudence de se taire. Comme c'est le seul exemple connu qu'une femme ait jamais tenu sa langue, on l'a jugé digne d'être citée ici. La vieille dame continua de parler à Antonia sur le même ton jusqu'à ce qu'elle eût se gagner la rue où était leur logement. Là, une foule assemblée devant leur porte ne leur permit pas d'en approcher. Et, se plaçant de l'autre côté de la rue, elles tâchèrent de savoir ce qui occasionnait cette affluence. Au bout de quelques minutes, la foule se forma d'elle-même en cercle, et Antonia aperçut au milieu une femme d'une taille extraordinaire qui tournait sur elle-même en faisant toutes sortes de gestes extravagants. Son costume se composait de morceaux de soie et de toile, de diverses couleurs, arrangés d'une manière fantastique, mais qui n'était pas entièrement dénué de goût. Sa tête était couverte d'une espèce de turban, ornée de feuilles de vigne et de fleurs des champs. Elle avait l'air d'être toute brûlée par le soleil, et son teint était olivâtre. Son regard était farouche et étrange, et dans sa main, elle portait une longue baguette noire, avec laquelle, par intervalle, elle traçait sur la terre quantité de figures singulières autour desquelles elle dansait dans toutes les attitudes bizarres de la folie et du délire. Tout à coup, elle interrompit sa danse, tourna trois fois sur elle-même avec rapidité, et après une pause d'un moment, elle chanta la ballade suivante. Chanson de la bohémienne. Venez, donnez-moi la main. Mon art surpasse tout ce que jamais mortel a connu. Venez, jeune fille, venez. Mes miroirs magiques peuvent vous montrer les traits de votre futur mari. Car c'est à moi qu'est donné le pouvoir d'ouvrir le livre du destin, de lire les arrêts du ciel et de plonger dans l'avenir. Je guide le char d'argent de la lune pâle. Je retiens les vents dans des liens magiques. J'endors par mes charmes le dragon rouge qui aime à veiller sur l'or enfoui. Protégé par mes sortilèges, je m'aventure impunément au lieu où les sorcières tiennent leur sabbat étrange. J'entre sans crainte dans le cercle du magicien et je marche sans blessure sur les serpents endormis. Tenez, voici des enchantements d'une merveilleuse puissance. Celui-ci garantit la foi du mari, et celui-ci, composé à l'heure de minuit, forcera le plus froid jeune homme à aimer. S'il est une jeune fille qui est trop accordée, ce filtre réparera sa perte. Celui-ci fleurit la joue où le rouge manque, et celui-ci rendra blanc le teint de la brune. Écoutez donc en silence, tandis que je dévoile ce que je vois dans le miroir de la fortune, et chacune, quand bien des années auront passé, reconnaîtra la vérité des prédictions de la bohémienne. « Chère tante, dit Antonia, quand l'étrangère eut fini, n'est-ce pas une folle ? Une folle ? Non pas, ma fille. C'est seulement une réprouvée, c'est une bohémienne, espèce d'aventurière, dont la seule occupation est de courir le pays en disant des mensonges et en escamotant honnêtement l'argent de ceux qui l'approchent. Fille d'une telle vermine, si j'étais roi d'Espagne, toutes celles qui ne seraient pas sorties de mes états dans un délai de 3 semaines, je les ferais brûler vives. Ces paroles furent prononcées si haut qu'elles parvinrent aux oreilles de la bohémienne. Elle perça immédiatement la foule et s'avança vers les deux dames. Elle les salua 3 fois à la manière orientale, puis elle s'adressa à Antonia. « Dame, gentille dame, sachez que je puis vous apprendre votre future destinée. Donnez-moi votre main et ne craignez rien. Dame, gentille dame, écoutez. « Très chère tante, dit Antonia, accordez-le-moi pour cette fois. Laissez-moi entendre ma bonne aventure. » « Sottise, enfant, elle ne vous dira que des faussetés. C'est égal. Laissez-moi du moins ce qu'elle a à dire. Je vous en prie, ma chère tante, faites-moi ce plaisir. Bien, bien, Antonia, puisque vous l'avez si fort à cœur. Ici, bonne femme, voyez nos mains à toutes deux. Voici de l'argent pour vous, et maintenant, tirez-moi mon horoscope. À ces mots, elle ôta son gant et lui tendit sa main. La bohémienne y fixa les yeux un moment, puis elle fit cette réponse. « Votre horoscope ? Vous êtes à présent si vieille, ma brave dame, qu'il est déjà tout tiré. Cependant, pour votre argent, je vais tout de suite vous donner un avis. Surpris de votre vanité puérile, vos amis vous taxent tous de démence et gémissent de vous voir user d'artifices pour attraper le cœur de quelque jeune amant. Croyez-moi, dame, vous avez beau faire, vous n'en avez pas moins 51 ans, et les hommes s'éprennent rarement d'amour pour deux yeux gris qui louchent. Suivez donc mes conseils. Laissez de côté votre rouge et vos mouches, la luxure et l'orgueil, et distribuez aux pauvres l'argent que vous dépensez en toilettes inutiles. Pensez à votre créateur et non aux amants. Pensez à vos fautes passées et non à l'avenir. Pensez que la faux du temps moissonnera promptement le peu de cheveux roux qui ornent votre front. » L'auditoire éclatait de rire pendant le discours de la bohémienne. Et 51, les yeux louches, les cheveux roux, le rouge et les mouches, etc., passaient de bouche en bouche. Leonella faillit étouffer de colère et accabla la maligne donneuse d'avis des plus amers reproches. La prophétesse basanée l'écouta quelque temps avec un sourire dédaigneux. Enfin, elle fit une courte réponse et puis elle se tourna vers Antonia. « Paix, dame, ce que j'ai dit est vrai. Et maintenant à nous, mon aimable fille, donnez-moi votre main et laissez-moi voir votre sort futur et le décret du ciel. » À l'exemple de Leonella, Antonia retira son gant et présenta sa blanche main à la bohémienne qui, l'ayant contemplée quelque temps, avec une expression de pitié et d'étonnement, prononça son oracle en ces termes. « Jésus, quelle main vois-je là ? Chaste et douce, jeune et belle, accomplie de corps et d'esprit, vous feriez le bonheur de quelque honnête homme. Mais, hélas, cette ligne me découvre que la destruction plane sur vous. Un homme libertin et un démon rusé travailleront de concert à vous perdre, et, chassé de la terre par les chagrins, bientôt votre âme prendra son vol vers les cieux. Cependant, pour différer vos souffrances, retenez bien ce que je dis. Quand vous verrez quelqu'un de plus vertueux qu'il n'appartient à l'homme de l'être, quelqu'un qui, exempt de crime, n'aura point pitié des faiblesses de son prochain, rappelez-vous les paroles de la bohémienne. Quoiqu'il paraisse bon et aimable, de belles apparences cachent souvent des cœurs gonflés de luxure et d'orgueil. Charmante fille, je vous quitte les larmes aux yeux. Que ma prédiction ne vous afflige pas. Courbez plutôt une tête soumise, attendez avec calme le malheur qui vous menace, et espérez le bonheur éternel dans un monde meilleur que celui-ci. » Ayant dit, la bohémienne tourna de nouveau 3 fois sur elle-même, et quitta la rue en courant avec des gestes frénétiques. La foule la suivit, et la porte d'Elvire étant désobstruée, Leonella entra au logis, furieuse contre la bohémienne, contre sa nièce, contre le peuple, en un mot, contre tout le monde, excepté elle-même et son adorable cavalier. Les prédictions de la bohémienne avaient aussi beaucoup affecté Antonia. Mais l'impression s'en effaça bientôt, et peu d'heures après, l'aventure fut aussi entièrement oubliée que si elle n'avait jamais eu lieu.